Italy, nous ça chante Ali. Maloya, bon boy, ça nous c'est gars. Bon boy, Maloya. Allez, roule à lui-même. Allez, roule à lui-même. Allez, roule.